mademoiselle, monsieur, vous êtes au musée des horlogeries du Haut-Doubs. Cette salle d'exposition vous feront découvrir la technique, l'histoire, les machines, les outils et l'atelier de l'horloger d'autrefois. Depuis bien longtemps, on fait de l'horlogerie dans le Haut-Doubs. En effet, en 1750, on comptait déjà une cinquantaine d'horlogers. Établis dans le secteur, c'était les horlogers paysans. Ils pratiquaient ce métier plutôt l'hiver. C'était des planteurs d'échappement pour le compte des horlogers suisses, du Locke ou de la Chaux-de-Fonds. Bien vite, la région fut intéressée par ce métier qui occupait une main-d'œuvre importante et qualifiée. Une école d'horlogerie vit le jour en 1830, avec l'aide du Conseil général. Mais il faut attendre les années 1880 pour que l'horlogerie connaisse un développement plus grand. Chaque village se spécialisait sur un travail bien spécifique. Par exemple, au Gras, on ne fabriquait que de l'outillage. À Villers-le-Lac, le découpage des ébauches. Sur le plateau de Mèche, Templichard, Charquemont, les écorces, le Russet, on y fabriquait les pièces mobiles, les roues, les balanciers et les assortiments pour montres à cylindres. À Morteau, les établisseurs assemblaient ces pièces, notamment à la grande fabrique. Le travail à domicile était florissant, on appelait ça travailler sur la fenêtre. En 1900, les horlogers du Haut-Doubs remportèrent de nombreuses récompenses aux expositions universelles de Paris et de Besançon. L'horlogerie apporta le bien-être à tous et le développement de la région jusque dans les années 1980, où la montre à quartz remplaça la montre mécanique traditionnelle. Hélas, le beau métier d'horloger en subit les conséquences. Et aujourd'hui, en Morteau, il ne reste que 5 entreprises contre une cinquantaine en 1950. Salle numéro 3. Au centre, une presse de découpage des parties plates de la montre. Platine, coque, barrette ou autre. Elle développe une puissance de frappe de 30 tonnes. Elle permet de découper des pièces de 5 mm d'épaisseur et de 40 mm de diamètre. En numéro 2, vous avez devant vous un tour américain de marque Cleveland. Il est venu dans le village des Gras en 1900. En effet, M. Amiot, l'inventeur du mandrin, s'était équipé de ce tour multibroche pour réaliser la fabrication d'outils d'horlogerie. Cette machine permet de faire 5 opérations l'une derrière l'autre, sans être obligé d'enlever à chaque fois la pièce à usiner. Ce fut un gros progrès pour l'époque. Sur l'établi, à côté, à droite, un plateau diviseur, mis au point par un artisan de Foncine-le-Haut, petit village du Haut-Jura, où l'on fabrique les horloges d'édifice. Cet outil permettait de tailler les roues ou pignons de ces fameuses horloges comtoises. À côté, un tape-pied. Outils utilisés pour rectifier les pièces découpées lors d'un premier passage sur presse. Suivi d'une machine à rainurer les tournevis d'horloger, imaginée en 1914 par M. Garnache, fabricant de tournevis au gras. Les premières machines étaient construites en bois. Quand elles fonctionnaient bien, on les réalisait en métal. Ces premières machines en bois servent toujours de référence pour d'éventuelles réparations sur ces anciens outils. Étampe, petit balancier à découper, occupe les places suivantes sur l'établi. En numéro 4, une série de décolleteuses utilisées dans les ateliers de mécanique pour la fabrication des axes de balancier, de roues, de pignons ou de vis d'horlogerie. Ces machines sont encore aujourd'hui souvent utilisées dans certains ateliers. En numéro 5, sur le pourtour de cet atelier, devant la fenêtre, une série de machines à fabriquer l'encre de la montre. Machines et outils sont de grande précision et de très belles factures. Avant de monter à l'étage, jetez un petit coup d'œil par la fenêtre pour admirer la façade classée de ce superbe château. Construit en 1576, C'est un chef-d'œuvre de la Renaissance française. Je vous remercie de votre attention. En 1861, M. Pierre Frénier arrive à Morteau. Il s'installe dans les sous-sols du Café National, place de l'Hôtel de Ville, pour y fabriquer des boîtiers de montres dites « Gousset ». La montre bracelet n'est apparue qu'en 1914. En 1880, il construit une grande usine rue de la Chaussée, où entourée de plus de 200 personnes, ouvriers qualifiés et artistes, elle devient alors la plus grande entreprise de boîtiers artistiques d'Europe. Dans cette salle, sur des établis centenaires, un ensemble de machines utilisées à l'époque pour accomplir ce remarquable travail. Tout d'abord, une cercleuse pour creuser le petit sillon dans la lunette pour pouvoir placer le verre de la montre qui est découpé dans du rhodoïde à l'aide de la petite machine qui est placée à côté. Une ligne droite permettant la réalisation de figures géométriques sur le fond des boîtiers. Une guillocheuse permettant de reproduire tout type de décors ornementaux construite en 1912 à la Chaux-de-Fonds. À droite, un établi de graveur de 1830 avec son outillage. À côté, une tréfileuse, un laminoir, deux pantographes pour reproduire des modèles à échelle différente, plus un tour à polir à pédale. Des poinçons, des patronnes, ainsi qu'une vitrine où vous pouvez admirer le travail de la belle époque. À droite, une suite d'outillages pour la fabrication des rubis. Rubis synthétiques, obtenus en fondant de l'alumine à 2050 degrés, inventé en 1900 par le français Verneuil. À gauche, sur le grand panneau, une cassette vidéo retrace l'histoire de la mesure du temps. Je vous remercie de votre écoute. Salle numéro 4. Sur votre gauche, une série d'horloges comtoises. Ce sont les frères Maillet qui inventèrent ces horloges à Morbier dans le Jura en 1661. C'était d'habiles forgerons l'idée de fabriquer simple, robuste et bon marché. Le balancier est en chaîne d'arpenteur pour en faciliter le transport, parce que vendu par colportage. Les horloges primitives ne possèdent qu'une seule aiguille jusqu'en 1750. Aujourd'hui encore, on fabrique toujours ces merveilles de précision à Morée. C'est dans le Jura que l'on fabrique les horloges de gros volume, notamment les horloges d'édifice. À Foncine-le-Haut, toujours dans le Jura, Wagner et Chalaison inventent le marégraphe en 1850. Comme son nom l'indique, c'est pour mesurer la hauteur des marées. Et en 1850, tous les ports français s'étaient équipés de telles machines. À l'usine Château, on fabrique toutes sortes d'appareils pour la marine, manomètres ou autres horloges pour sous-marins. On y fabrique même des constateurs utilisés en Belgique et dans le nord de la France pour contrôler les courses de pigeons voyageurs. Eugène Flamand, ingénieur des chemins de fer français, invente le compteur de vitesse pour locomotive en 1900. En dessous de cet appareil, une pointeuse d'atelier anglaise de la même époque. Derrière, sur son établi, un artisan horloger, entouré de ses meubles et de ses machines, symbolise la fabrication des échappements de montres à cylindres du côté de Mèche en 1914. Devant la fenêtre, une exposition de cadrans contemporains avec ses machines à décalquer de 1920. Sur l'établi suivant, une petite merveille pour tailler les roues de montre en 1750. Admirez le fini et les détails de décoration de cette antique machine. Sur l'établi central, une suite de machines pour fabriquer des aiguilles de montre en 1950. Contre la cheminée, trois magnifiques cartels de style Louis XV, avec leur décoration de divinités antiques. Les décors sont de boules, célèbres ébénistes sous Louis XIV, dont la technique était d'incruster du laiton dans de l'écaille de tortue. En dessous, une magnifique horloge de cheminée de style Louis XIV, en bronze, admirer le travail du bronzier pour l'époque. Sur le fond de la pièce, un très beau cartel signé Martineau. Décor bronze et peinture symbolisant les fables de La Fontaine, notamment Le renard et la cigogne, en 1850. Entouré de très belles horloges neuchâteloises, peintes au vernis martin et décorées à la feuille d'or. Et sur le côté droit, une antique religieuse sous Louis XIV, d'aiguille à la lime. Et le fond du cadran est en velours rouge. Dans la vitrine latérale, détail de la fabrication d'une montre de poche Parnin en 1950. 44 opérations mécaniques et 120 pièces sont nécessaires pour construire cette fameuse montre, qui subissait 72 contrôles pour en assurer la parfaite qualité. Je vous remercie. Le travail à domicile. À la fin du 19e siècle et au début du 20e, de petits ateliers d'horlogerie occupaient une partie de la maison. Dans les campagnes, c'était souvent dans la chambre haute. Le travail s'appelait le travailler sur la fenêtre. Devant nous, une petite entreprise familiale, style 1930, occupe dans son atelier 5 personnages qui ont une tâche bien déterminée. Le plus âgé, par exemple, roule un pivot sur un tour à pivoter qui est actionné au moyen d'un archet. Rouler un pivot, c'est une sorte de polissage. On utilise un brunissoir, petit outil en acier, finement strié, que l'on avance d'avant en arrière afin d'effacer toutes les petites aspérités ou défauts qui pourraient se trouver sur le pivot. Le deuxième personnage rive une roue sur son axe au moyen d'une potence. Il frappe légèrement avec un marteau sur le rivoir et la roue doucement descend sur son pignon. Le troisième arrondit une roue sur une machine à arrondir construite au gras. Elle est équipée d'une fraise Carpano. La fraise Carpano fait tourner la roue dent par dent. La fraise Carpano, Carpano c'est le nom de son inventeur, est fendue à un endroit. Un astucieux petit guide permet d'en régler l'écartement au moyen d'une petite vis, en fonction de l'épaisseur de la dent de la roue à arrondir. La jeune fille est une règleuse. Son travail consiste à comparer le nombre de vibrations de sa machine avec celui qu'elle confectionne, en allongeant ou en raccourcissant la spirale. Travail minutieux et délicat dont dépendra la qualité de la future montre. Au bureau, le responsable fait le courrier, la comptabilité, sort le travail à domicile. Il a déjà beaucoup de soucis, un petit peu comme les artisans d'aujourd'hui, qui ont beaucoup de difficultés à mettre en équilibre leur budget. Devant nous, une vitrine composée de plusieurs cadrans d'horloges anciennes a remarqué tout particulièrement le cadran à cartouche daté de 1800 pour ses sculptures. La deuxième vitrine vous permet d'apprécier le travail des artistes graveurs sur or, de petites merveilles. La troisième vitrine, de très belles montres à complications, chronographe, datographe, montre triangulaire avec retour instantané des aiguilles lorsqu'elles arrivent sur le 12, montre lire, maçonnique, map monde, montre de médecin, etc. Une collection des établissements bourgeois à Dampichard de 1900 à 1930 occupe la quatrième vitrine du très bon travail. Je vous remercie pour votre écoute.